Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et nous vous retrouvons aujourd'hui, Franck Ferrand, en direct de Zeebrugge en Belgique, à bord du Dixmude, un porte-hélicoptère de la Marine nationale. Bonjour Franck. Et oui, bonjour Céline, bonjour à tous. Bienvenue à la base navale de Zeebrugge. Nous sommes, comme vous le dites, en Belgique. Et depuis quelques jours, depuis deux jours je crois, le BPC Dixmude, BPC pour bâtiment de projection et de commandement. Il s'agit en effet d'un des trois porte-hélicoptères de la Marine nationale. Un navire absolument immense, le petit frère du Tonnerre, le frère jumeau devrais-je dire, du Tonnerre et du Mistral. Tout à fait gigantesque. Imaginez une sorte de montagne d'acier au quai de Zeebrugge, gris clair sur le ciel, aujourd'hui gris de plomb, 200 mètres de long, 32 mètres de large. Je ne sais pas combien de mètres de hauteur, on va poser la question au commandant dans un instant. 16 500 tonnes avec une capacité d'emport de 16 hélicoptères, un hôpital de 69 lits, deux blocs opératoires, tout ça avec des extensions possibles, une capacité d'accueil de 150 officiers d'état-major et puis un équipage minimum de 180 personnes. Bref, un merveilleux monstre marin. La devise de ce bateau, pourtant répétée ici, dans les postes, les carrés, les coursives, c'est « Sacrifiez-vous, tenez ». Il s'agit d'une citation historique et dans un moment, je vais vous dire qui a prononcé ces mots et en quelles circonstances, car on célèbre en ce moment même le centenaire de la bataille de Dixmude. Europe 1. Cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes donc dans le hangar aviation de ce BPC Dixmude, à bord duquel nous sommes reçus par le capitaine de vaisseau Pierre de Briançon. Bonjour commandant. Bonjour monsieur. Merci beaucoup de nous recevoir sur cette espèce de... Comment est-ce qu'on pourrait décrire ce bâtiment de guerre absolument gigantesque? Il est multifonction. Alors on a l'habitude de parler d'un couteau suisse, parce qu'il a beaucoup de fonctions, mais c'est un gros couteau suisse, comme 20 000 tonnes donc... Je disais en visitant ce matin les installations techniques, toutes plus étonnantes les unes que les autres, qu'on est probablement en présence d'un des plus gros joujoux de la planète. Là, hein. Vous amusez peut-être quand même avec un tel engin. M'amuser, peut-être pas, mais en tout cas j'y prends beaucoup de plaisir. Alors, ce navire s'appelle Dixmude, il porte ce nom de Dixmude, il n'est pas le premier. Il y a eu d'abord un porte-avions qui s'appelait Dixmude, il y a eu autrefois un dirigeable également qui a malheureusement subi mauvaise fortune. C'est très important, c'est une lourde responsabilité que de porter un tel nom. Oui, tout à fait, parce qu'on est un peu les héritiers de... en charge de maintenir vivant la mémoire de cette bataille de Dixmude qui a été absolument fondatrice pour les fusiliers marins de la marine. Et donc la marine tenait à redonner le nom à l'une de ces unités, et si possible une belle unité, ce nom très important de Dixmude. Il n'était plus porté depuis 1966. Alors nous allons voir dans le cours de cette émission à quel point pour la marine, mais d'une façon plus générale pour la France, cette bataille de Dixmude a joué un rôle tout à fait essentiel. Dixmude, c'est donc le nom de cette ville belge qui se trouve tout près d'ici. Vous vous êtes rapproché le plus près possible en étant ici à Zeebrugge. Oui, tout à fait. Malheureusement, Dixmude n'est plus un port, donc le port le plus proche... N'est plus depuis le 13e siècle, il faut dire. Donc voilà, et donc nous avons dû accoster à Zeebrugge, c'est le plus près possible. Alors, il se trouve que la bourgmestre de Zeebrugge est avec nous ici. Je suis très heureux de vous recevoir. Bonjour Lise Laridon. Vous avez fait le voyage depuis l'Orient à bord du BPC Dixmude, vous? Oui, j'étais embarquée à l'Orient en Bretagne. On a une ville jumelée, Plumeur, pas loin de l'Orient. Et... on était débarqué à Zeebrugge vendredi matin. Il faut dire que les Bretons, et plus généralement les fusiliers marins, ont laissé un souvenir encore très vif dans la population locale et à Dixmude en particulier. Oui, certainement. Il y a une statue pour les fusiliers marins et amiral Ronarc, tout près de la grande place de Dixmude. il y a aussi une rue Amiral Ronarc à Dixmude. Donc c'est encore très vivant. Alors pourquoi parlons-nous ainsi de Dixmude, de l'amiral Ronarc ? Nous allons y venir dans un instant. Je vais, en quelques mots seulement, et puis ensuite nous en parlerons longuement, je vais vous raconter ce qui s'est passé ici même, il y a 100 ans. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, en direct de Zeebruges, en Belgique, à bord du Dixmude, un porte-hélicoptère de la Marine nationale qui porte le même nom que le village belge qui a été attaqué en 1914 et dont vous nous contez le récit. Exactement. Et s'il y a, Céline, un nom à retenir de l'émission d'aujourd'hui, c'est celui de Pierre-Alexis Ronarc. Ça s'écrit Ronarc. Vous savez, ce sont ces bons noms du terroir. On parlera d'ailleurs des Bretons dans un instant. À l'époque dont nous parlons, ou dont nous allons parler, Ronarc était contre-amiral. Il l'était depuis juin 1914, donc quelques mois seulement avant le déclenchement de cette Première Guerre mondiale. Il était né à Quimper, ce Breton de très vieille souche. Il était né en novembre 1865 dans une famille bourgeoise et très vite, il avait épousé la mère, si je puis dire. Il est entré à l'école navale à l'âge de 15 ans et demi. Alors il a fait, comme tous les officiers de marine de son temps, il a fait une grande partie de sa carrière dans les colonies, bien entendu. Il est passé par les Comores. Il était lieutenant de vaisseau dès l'âge de 24 ans et décoré de la Légion d'honneur à 25, s'il vous plaît. Nous parlions l'autre jour à ce même micro de la révolte des Boxers en Chine, et de toutes les opérations qui avaient accompagné cette révolte. Eh bien, il faisait partie de la colonne Seymour qui avait affronté les Boxers. Ensuite, il avait été commandant en second du Guet-Rouen avant de devenir capitaine de vaisseau en 1907. Il a passé pas mal de temps en Indochine. Il commandait par la suite les flottilles de contre-torpilleurs de la Manche. Et en 14, donc, c'est lui qui dirige les fusiliers marins. Car nous allons évidemment parler aujourd'hui, rendre hommage aux fusiliers marins. À l'époque où il en prend la tête, il n'a que 48 ans, notre amiral Ronarc. Alors, la première mission des fusiliers marins, et on en redira tout à l'heure un mot avec Benjamin Massieu, leur première mission va être d'organiser la sécurité de la capitale, de Paris. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas si longtemps que ça, après les événements de 1871, que le gouvernement a la Commune en mémoire et qu'il n'a pas l'intention de voir se rééditer les événements insurrectionnels de 1871. Et donc, on va confier à ces fusiliers marins en qui on a toute confiance le soin de s'occuper de la défense de la capitale. Un premier régiment est installé à la maison de la Légion d'honneur, à Saint-Denis, et puis le deuxième régiment est installé au Grand Palais. Et nous avons aujourd'hui pas mal de photos qui nous montrent justement ces fusiliers marins à l'époque au Grand Palais. On en parlera tout à l'heure. Au bout de 2 mois, l'amiral est assez satisfait de la façon dont ses marins se comportent à terre. Il reçoit l'ordre du général de Castelnau d'envoyer ses troupes dans le nord, enfin en tout cas de marcher vers le nord, là où se passent les événements importants de ce tout début de guerre, bien entendu. Alors le premier régiment prend la direction d'Amiens et puis il est très bientôt rejoint par le second. La jonction a lieu dès le 4 octobre et là pour l'instant nos hommes ignorent quelle est leur destination finale, bien entendu. Ronarc reçoit l'ordre de tenir sa brigade prête pour un départ fixé le 7 octobre matin et là on leur dit direction Dunkerque. Alors je vous passe tous les détails d'un voyage dont le moins qu'on puisse dire est qu'il a été extrêmement fastidieux par train. Ça a été très difficile. Or, à peine arrivé, après quasiment 48 heures d'une marche terrible, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas du tout à destination. On les affecte immédiatement vers Saint-Pierre-de-Gand. Et alors, à leur arrivée, il faut imaginer la population belge qui les accueille au cri de « Vive la France !» On leur distribue du café, de la bière, des tartines, des fruits. Et oui, la Belgique, et c'est l'essentiel, c'est ce qu'il faut bien comprendre dans cette affaire, la Belgique a été agressée par l'Allemagne. C'est le déclenchement même même de cette première guerre mondiale. Vous connaissez le plan Schlieffen, j'ai eu l'occasion de vous en parler un certain nombre de fois. Les Allemands ne s'embarrassent pas, ils ont l'intention en tout cas de traverser la Belgique. Et les Belges, il faut bien le dire, ont résisté fortement à cette avancée allemande. Vous connaissez cette fameuse phrase, on dit que la Belgique n'a pas gagné la guerre, mais qu'elle l'a fait perdre aux Allemands. Alors il a fallu bien entendu voler à son secours, c'est ce que font les Britanniques, c'est ce que font au premier chef les Français bien entendu, et au premier rang de tous, ces fusiliers marins qui arrivent avec l'amiral Renard qui est à Gand dès le 8 octobre 1914. Les premiers affrontements commencent dès le lendemain, 9 octobre, avec les premiers coups de feu qui éclatent entre Watrecht et Gontrode. On en dira peut-être un mot tout à l'heure. Il faut tout de suite insister sur la très grande disparité numérique. Vous avez d'un côté 4 bataillons français contre 4 régiments allemands. Ce sont des combats extrêmement violents. Et pourtant, Renard peut être satisfait de ce premier engagement, car le premier bilan est tout à fait satisfaisant. On déplore quelques tués, bien entendu, mais une assez petite quantité, une douzaine, une quarantaine de blessés. Alors que du côté allemand, déjà, entre les blessés, ceux qu'on a distraits du premier champ, et puis les morts bien entendu, ça fait 3000 hommes en moins déjà. Il y a toute une opération de repli sur laquelle je ne voudrais pas trop insister. Dès le 13 octobre, on peut dire que les Allemands reprennent les choses en main, si je puis dire. Deux avions allemands vont d'ailleurs survoler la ville. Un est abattu, le second qui volait nettement plus haut réussit à s'échapper. Les hommes de Renard s'arrêtent à Torhout, où on apprend que la brigade va être intégrée à l'armée belge. Ça, c'est une nouvelle épreuve d'un tout autre genre, bien entendu, mais il va falloir accepter d'être sous commandement belge et de travailler avec cette armée belge. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans le plat pays. On verra tout à l'heure à quel point ça a été important pour ce qui a été de l'inondation de ce territoire, mais ça signifie surtout qu'il est extrêmement difficile d'y établir des tranchées. On essaie de céder du moindre accident de terrain, la moindre ligne de chemin de fer, par exemple, et c'est la moitié d'une tranchée de fête, si je puis dire. On n'a plus qu'à creuser à moitié. Bon, ce sont des conditions qui sont particulièrement difficiles, et d'autant plus que nous sommes dans une région pluvieuse. Nous avons pu le constater, nous, depuis notre arrivée hier, qu'il y a beaucoup de boue en ce mois d'octobre 1914, que les Allemands sont là avec constamment des renforts qui approchent. 10 000 soldats allemands se dirigent vers Bruges, un peu plus au nord, et l'ordre arrive à Renard de bientôt se replier derrière l'Isère. Les divisions belges se répartissent pour leur part afin de défendre les villes et les villages du secteur. Se replier derrière l'Isère, nous verrons pourquoi dans un instant, pour des raisons stratégiques. C'était absolument essentiel d'un point de vue, je dirais même politique, que la Belgique conserve la souveraineté sur une part de son territoire au moment de cette invasion allemande. Les marins vont quitter leur tranchée le 15 octobre. On se replie dans la ville de Dixmude avec une mission, la défendre, ou pour être plus exact, fixer l'ennemi. Fixer l'ennemi ici à Dixmude, fixer l'ennemi sur l'Isère. Renard décide de protéger la ville en amont afin éventuellement, si c'est nécessaire, de pouvoir se replier plutôt que d'attendre que l'ennemi ne l'attaque directement. Le mot d'ordre, il vient directement de l'état-major de Joffre. Il a été répercuté par le général Pau. Il est évident, il s'agit de fixer les choses. Il faut tenir. Et le mot d'ordre que va envoyer l'amiral Renard est très clair. Il est devenu, je vous le disais tout à l'heure, il est devenu la devise même de ce BPC sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Sacrifiez-vous, tenez au moins 4 jours. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au fusilier marin et à la bataille de Dixmude. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. We'll be right back. de la bande originale du film La vie et rien d'autre, film de Bertrand Tavernier. Au cœur de l'histoire, nous retournons avec vous, Franck Ferrand, en octobre 1914, en pleine bataille de Dixmude. Et oui, alors il faut que je vous dise un peu à quoi ressemble Dixmude. Charles-Henri Le Goffic dit « Les guides l'appellent une jolie petite ville, ce n'était alors qu'un gros bourg. Imagine-toi Pont-l'Abbé, écrit un de nos marins, mais un Pont-l'Abbé flamand, tout briques et tuiles, fleuri d'estaminets et de béguinages, propre, mystique, sensuel et charmant, surtout quand la pluie faisait trêve et que sous un ciel lavé, derrière un rideau de tilleuls centenaires, ses vieux logis bariolés d'ocre et de vert pomme riaient aux eaux de son canal. » On est dans cette Flandre éternelle, dans celle de la kermesse héroïque, bien entendu. Il n'y pleut pas moins 3 jours sur 4, nous dit Benjamin Massieu. Les vents charrient perpétuellement les nuages depuis le large. La terre à moins d'un mètre est gorgée d'eau et les prairies sont sillonnées d'innombrables canaux. Alors, Renard va donc devoir tenir. Il a demandé à ses marins de tenir au moins 4 jours. Vous allez voir qu'ils vont faire beaucoup mieux que ça. Les premiers affrontements ont lieu dès cet après-midi du 16 octobre. Ce sont des marins, j'ai dit depuis le début, fusiliers marins. On va voir tout à l'heure que dans la brigade de Renard, il n'y avait pas que des fusiliers marins, loin de là. Mais en tout cas, pour l'essentiel, ce sont des marins et ils ne sont évidemment pas directement habitués à ce type de combat. Et dans un premier temps, évidemment, le tout premier affrontement a semé, j'allais dire l'affolement, le mot n'est sûrement pas très juste, mais en tout cas a semé une certaine agitation dans les rangs, bien entendu. On a assisté à un premier repli et puis très vite, ça a été la contre-offensive. On a répondu aux Allemands tout en creusant des tranchées. Vous voyez la difficulté de tout ça qui se prolonge le 17 octobre, le 18. 4 jours, avait demandé Renard. La matinée est très calme. Dans le 18, on voit les Dixmudois qui sont endimanchés, qui se rendent à l'office. Certains vont sympathiser avec les marins. Ils ne veulent pas quitter la ville. Le roi Albert Ier, le roi des Belges, est là, qui est accueilli par l'amiral Renard et qui vient visiter les tranchées près de l'Isère. Quand je dis l'Isère, rien à voir évidemment avec notre Isère du sud-est de la France. Hein, c'est l'Isère YSER. Je précise le nom de ce fleuve, bien entendu. Le roi est tout à fait satisfait de la façon dont est défendu ce carré de terre, dernière parcelle de son pays sur laquelle il exerce encore sa souveraineté, nous dit Benjamin Massieu. Alors, le quatrième jour, le fameux quatrième jour, arrive le 19 octobre. Les Belges continuent de perdre des villes au nord. Les Allemands approchent vraiment très, très, très près maintenant de Dixmude. Ce sont des combats extrêmement durs. Les premières balles touchent leur cible, nous dit Massieu. Créac, le cuisinier, est mortellement atteint. C'est au tour ensuite de Fourniry. Motion de Condé, qui se dresse pour repérer les positions ennemies, est abattu de 2 balles, l'une dans la bouche et l'autre dans la poitrine. Les survivants terrorisés se cachent comme ils peuvent derrière les cadavres de leurs camarades. Et en fin d'après-midi, ça c'est toujours très dur, et c'est, on va dire, là on commence à vivre ce que vivront ensuite sur des centaines de kilomètres tous ceux qui se battront dans les fameuses tranchées de 14-18. C'est le contre-ordre, n'est-ce pas ? Ordre de battre en retraite. Les marins sont furieux, nous dit Benjamin Massieu. Pourquoi avoir fait tout cela, perdu tant d'hommes, si c'est pour abandonner les lieux à la fin de la journée et laisser les Allemands les investir de nouveau tranquillement ? C'est le 20 octobre qu'a lieu le premier violent bombardement de la ville. Il faut imaginer la ville qui commence à s'effondrer, bien entendu, les gravats, la fumée, la poussière, les écroulements, la panique des habitants dont certains veulent s'enfuir. Ils transportent les vieux sur des matelas et en tirant les enfants en pleurs par le bras, nous dit Benjamin Massieu. La pluie a cessé entre-temps, en tout cas elle cesse le 21 octobre et je vous ferai remarquer que les jours passent, 22 octobre maintenant, et nos marins tiennent toujours bon. Ils sont là, ils tiennent, les Allemands sortent les canons, plus de 400 canons. Belges et Français, à ce moment-là, ont vraiment fort à faire. Hein. Les bâtiments s'embrasent, les routes sont partout creusées par les cratères. On en voit notamment ces énormes obus qu'on appelle des marmites et qu'il va falloir apprendre à connaître pendant le reste du conflit, évidemment. Et toujours la boue et toujours le froid, bien entendu. Les Allemands continuent à progresser. Le roi Albert Ier, le 25 octobre, va prendre la décision d'inonder les polders entre l'Isère et la voie de chemin de fer Nieuport-Dixmude, l'objectif étant par cette inondation de raccourcir l'incursion possible des Allemands. Mais vous imaginez bien que ça ne facilite pas non plus les combats et qu'on se met maintenant à se battre, parfois à certains endroits avec de l'eau jusqu'à la taille, vous imaginez. Vont arriver le 26 octobre les fameux tirailleurs sénégalais, ils sont 1400. Ils vont faire beaucoup de bien car ils arrivent à un moment où vraiment les troupes belgo-françaises n'en pouvaient plus. Ils vont par ailleurs faire preuve d'une bravoure incroyable et ne pas être relevés pendant je ne sais combien, on va poser la question tout à l'heure, je ne sais combien de jours et de nuits, car les tirailleurs sénégalais, contrairement aux autres troupes jusqu'ici engagées, ne sont pas relevés, ne sont quasiment jamais relevés. Les Allemands prendront le cimetière de Dixmude le 28 octobre, ils occupent le village le 30. Là, l'inondation progresse. On aperçoit les Allemands se retirant sur l'Isère. N'entrons peut-être pas dans tout le détail des opérations et contentons-nous de dire, de savoir et de faire savoir qu'ils ont tenu bon et que la guerre de mouvement jusqu'alors engagée va se transformer dans cette célèbre guerre de position, cette guerre des tranchées. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous êtes cet après-midi, Franck Ferrand, en Belgique, à Zeebruges, à bord du Dixmude, un porte-hélicoptère de la Marine nationale. Et cela fait réagir nos auditeurs. Oui, de nombreuses réactions, ça me fait très plaisir, qui nous arrivent, bien que nous soyons, vous voyez, en déplacement. Et c'est notamment Hubert, qui est belge et qui nous dit « Un vrai coup de chapeau à l'amiral Renard, défenseur de Dixmude. Dommage que beaucoup de Belges ne le connaissent pas. » Eh bien, j'espère qu'après cette émission, car nous sommes très écoutés ici en Belgique, et j'en profite moi pour saluer très chaleureusement nos auditeurs de Belgique, eh bien, j'espère qu'il sera un peu plus connu, justement. Parmi les invités du commandant de Briançon, le pacha du Dixmude, se trouve le capitaine de vaisseau Sébastien Well, qui commande l'école des fusiliers marins. Bonjour, commandant. Bonjour. Vous êtes donc à la tête, vous, de ces fusiliers marins. Est-ce qu'aujourd'hui encore, l'amiral Renard est pour vous une référence ? L'amiral Renard qui est bien évidemment une référence. Il faut bien comprendre que cette bataille de Dixmude est un des événements fondateurs de la spécialité de fusiliers marins. Fondateur, et nous conservons l'état d'esprit qui a animé les fusiliers marins de l'amiral Renard. La foi, la confiance, l'enthousiasme, le sens du devoir, la force de l'engagement, ces valeurs. Il y a à bord, là, on les voit depuis hier, un certain nombre de jeunes fusiliers marins. Est-ce que vous leur racontez l'histoire de cet amiral, de ces hommes, de Dixmude ? Non seulement nous le racontons, mais nous leur présentons. C'est bien l'objet des cérémonies de tradition, puisque régulièrement, pour chaque promotion de jeunes marins, de jeunes fusiliers marins, nous les organisons une cérémonie de tradition pour les baptiser du nom d'un fusilier marin mort pour la France. Et à cette occasion-là, nous leur présentons le drapeau des fusiliers marins. Alors voilà, il faut en parler de ce drapeau qui leur a été remis en 1915. Le 11 janvier 1915, effectivement, par le président de la République, M. Raymond Poincaré. À proximité de Dunkerque, à Saint-Paul-sur-Mer. Alors il y avait plusieurs très célèbres voix de l'époque qui s'étaient élevées contre le manque de reconnaissance, en quelque sorte, de l'incroyable exploit qu'avaient accompli tous ces marins à Dixmude. Le plus célèbre, c'était Franck Nohain, qui à l'époque avait une chronique très lue dans Le Figaro. Il y avait également Pierre Loti, le grand écrivain. Ils ont dit, il faut à cette brigade, il lui faut son drapeau, comme aux autres, en quelque sorte. Oui, la marine ne disposait d'aucun drapeau. Eh oui. Et c'est bien normal, puisque les drapeaux n'étaient confiés uniquement à des unités terrestres qui combattaient à terre. Après l'épopée de la bataille de Dixmude, et grâce à certains illustres prédécesseurs que vous avez cités, un drapeau a été confié, enfin a été donné, il y a d'ailleurs donné à la brigade de l'amiral Renard. Brodé à l'or sur le drapeau, il y a le nom de Dixmude, bien entendu, avec la date de 1914. Un certain nombre d'autres noms de gloire et de dates mémorables, bien entendu. Ce drapeau, vous le conservez très précieusement aujourd'hui. Voilà, il est conservé dans mon bureau, à Lorient, à l'école des fusiliers marins. C'est l'école des fusiliers marins qui en a la garde depuis sa création, depuis 1918. Et il a ensuite continuer à combattre aux côtés de certaines unités, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, le 1er régiment de fusiliers marins, pendant toute la campagne d'Afrique, d'Italie et le débarquement en Provence, et Vosges et compagnie. Donc on imagine votre émotion et celle de vos hommes d'être ici à Dixmude, enfin tout près de Dixmude. Vous y étiez hier, ce matin même encore je crois, pour des cérémonies commémoratives bien entendu. Alors justement, madame le maire ou madame la bourgmestre, je ne sais pas comment je dois vous appeler, je tiens quand même à ce que vous rectifiez un tout petit peu, parce que j'ai présenté votre ville comme une ville constamment pluvieuse. C'est vrai ça? Il pleut toujours à Dixmude? Non. Hier on a eu une commémoration très important en présence du chef d'État de la marine française et en présence de son Altesse royale Prince Albert, Prince Laurent. Le Prince Laurent était là, oui. Et il faisait beau. Oui, il faisait beau. Oui, on ne ment pas trop en disant ça. Non, c'est à peu près vrai quand même. Alors, il y a un nom que vous avez entendu citer un certain nombre de fois depuis le début de cette émission, car je l'ai abondamment cité, et pour cause, l'ouvrage qu'il consacre à la bataille de Dixmude et à ses héros vient de paraître. Je crois qu'il est sorti de presse à la fin de la semaine dernière, et j'ai entre les mains en ce moment même un des tout premiers exemplaires. Vous pourrez le trouver dans les bonnes librairies, on va dire d'ici à la fin de la semaine. C'est Benjamin Massieux. Bonjour Benjamin Massieux. Bonjour. Vous êtes un jeune historien qui vous êtes consacré un certain temps au commando Kieffer, et là donc à ceux que vous appelez, je dis bien ceux que vous appelez, ou qu'on a appelé, les demoiselles au pompon rouge. Expliquez-nous ce surnom un peu étrange. Alors c'est un surnom qui leur aurait été donné, parce que l'origine de ce surnom, elle n'est pas très claire encore. Est-ce qu'elle aurait été donnée par les Parisiens ou par les Allemands, on ne sait pas trop. Ce surnom de demoiselles, il vient du caractère juvénile de leur visage, parce que ce sont... C'était des gamins. Il y a énormément de gamins. Oui. Il y a des fusiliers marins qui ont 16, 17, 18 ans. Et ça a énormément frappé les Parisiens au début de la guerre, en 1914, quand ils ont été chargés de la défense de Paris. Cette dimension parisienne est importante parce que je pense qu'au-delà de l'exploit, de la ténacité, du courage absolument extraordinaire de tous ces hommes, il n'y avait pas que des gamins. D'ailleurs, il y avait aussi des marins pêcheurs qui avaient plus de 50 ans. Enfin, il y avait un peu tout, évidemment, parmi. D'ailleurs, combien étaient-ils de fusiliers marins? Quelles étaient leurs origines? Vous pouvez nous dire ça? Alors, le nombre de fusiliers marins au départ à la formation de la brigade, le nombre de marins même, parce qu'on l'a appelé brigade de fusiliers marins, à la base c'est pas son nom, à la base c'est brigade de marins. On crée des régiments de marins et les fusiliers marins sont minoritaires, hein, c'est même pas 22% de l'ensemble de l'unité, donc c'est-à-dire voilà, un quart. On a une bonne moitié qui n'a aucune spécialité. Oui. Et les autres, ce sont des marins d'autres spécialités, des électriciens, des boulangers, etc. Mais ça va jouer un rôle très important, parce que je sais que les charpentiers, notamment, vont jouer un rôle tout à fait décisif dans la création toute nouvelle pour l'époque de ces fameuses tranchées qui, par la suite, deviendront l'emblème de la Grande Guerre. C'est ça. Alors, les tranchées, au début, on les construit un petit peu avec tout ce qu'on trouve. Hein. On arrache les volets, les portes de Dixmude, mais c'est vrai que ces charpentiers de marine vont montrer leur savoir-faire. Alors, je disais à l'instant que le fait qu'ils soient passés par Paris, qu'ils aient un temps, pas très longtemps, mais tout de même assuré la sécurité de Paris, a joué un rôle dans la célébrité aussi de cette brigade. Hein. C'est absolument essentiel, bien entendu. Le fait que tous les journalistes de l'époque, que tous les hommes politiques importants, etc., les aient vus au quotidien, aient vu leur jeune visage imberbe, justement, a joué un rôle dans leur notoriété, dans la cote d'amour qui était la leur. C'est important. Ah oui, les marins avaient déjà un certain halo, une certaine popularité à cette époque. On parlait de Pierre Loti, tous ces romans ont fait que les marins étaient extrêmement populaires, les pompons rouges, d'ailleurs ça provoquait certaines jalousies de la part des policiers avec lesquels ils patrouillaient dans Paris, et de voir que les marins étaient aussi populaires et plus populaires qu'eux. Deux aspects très importants à mon avis, enfin vous allez me dire ce que vous en pensez. D'une part, c'est quand même l'engagement de la marine dans les opérations terrestres de cette Première Guerre mondiale. Symboliquement, c'est essentiel, ça, bien sûr. Il y aura ensuite la lutte contre les sous-marins, il ne faut pas l'oublier, mais enfin, tout de même. C'est essentiel. D'ailleurs, l'amiral Ronarc le dit dans ses mémoires. Ce qu'ils ont fait, ce que cette brigade a fait, c'est essentiel. Ça montre que le rôle de la marine, ce n'est pas uniquement d'être en mer, c'est aussi, quand c'est nécessaire, d'aller soutenir l'armée de terre sur le territoire. Quand on a une guerre continentale comme l'est la guerre 14-18, la marine doit savoir intervenir à terre. Par ailleurs, des hommes très bien conduit par cet amiral Ronarc, qui est très humain, qui fait attention par exemple à ce qu'il porte aux pieds, enfin des choses, j'allais dire toutes bêtes, mais qui sont essentielles pour la bonne tenue des hommes au combat. Une très bonne logistique aussi, qui arrive directement par voie de chemin de fer depuis Dunkerque. Alors oui, l'amiral Ronarc, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup frappé dans sa personnalité, et parce qu'il dénote avec la plupart des officiers supérieurs qu'on a en 1914, c'est qu'il est très soucieux de préserver la vie de ses hommes. Et il va vraiment se démener parce qu'il part de rien. En son unité, il la monte, c'est du brick et du broc. Quand ils arrivent, quand ils débarquent à Paris, les marins, ils n'ont même pas de ceinture ou de bretelles, ils ont des ficelles. Ils ont certains fusils qui ne marchent absolument pas. Et c'est lui qui va se démener pour équiper cette unité. Et en l'espace d'un mois, elle va être prête à partir au combat. et elle aura ces fameuses mitrailleuses qui vont faire des coupes claires dans les rangs allemands, bien entendu. Très forte disparité numérique, hein. En l'occurrence, les Allemands sont très supérieurs en nombre. Vous dites environ 40 000 contre 6 000 à peu près en tout. Alors, il y a 6 500 fusiliers marins. Il y a à peu près un peu moins de 2000 tirailleurs sénégalais et 5000 belges, c'est-à-dire qu'on est à 13 500 hommes du côté des alliés contre 40 000 allemands. Oui, et encore les tirailleurs sénégalais n'arrivent que le 26 octobre, donc un petit peu plus tard, bien entendu. Et ils vont avoir des pertes absolument colossales. Que vont-ils devenir tous ces tirailleurs sénégalais, mais aussi tous ces fusiliers marins, puisque ce sont eux qui sont aujourd'hui à l'honneur. C'est ce que nous voyons dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous êtes cet après-midi, Franck Ferrand, en Belgique, à bord du porte-hélicoptère de la Marine nationale, le Dixmude, avec vos invités, Elias Laridon, maire de Dixmude, le capitaine de vaisseau Pierre de Briançon, commandant du Dixmude, le capitaine de vaisseau Sébastien Houël, commandant à l'école des fusiliers marins, et Benjamin Massieu, historien, auteur des Demoiselles au Poupon Rouge, aux éditions Pierre de Taillac. Vous avez bien compris, Céline, qu'il s'agit d'un navire à multiples fonctions. Alors, il est certes porte-hélicoptère d'assaut, on en parlera dans un instant, puisque c'est la question qu'on nous pose pour le retour aux origines, mais c'est également un bâtiment amphibie. Et j'ai eu l'occasion, au printemps dernier, de monter sur cette espèce d'engin absolument inouï qu'on appelle l'Edar, qui est une sorte de gigantesque barge de débarquement amphibie. Elle va aussi bien, elle flotte, mais elle roule aussi très bien, et elle permet de déposer sur n'importe quelle plage, n'importe quel type d'engin, notamment des engins blindés de tout genre. C'est un bâtiment de commandement, puisque nous avons pu voir ce matin, lors de la visite qu'on nous a fait faire à bord, à quel point les bureaux, comment dire, toute la plateforme de commandement était très étendue et permettait de recevoir, de transformer littéralement ce navire en un QG dans les différentes régions où il a à intervenir. Nous en dirons un mot encore de tout cela avec le commandant de Briançon dans un instant. Finissons-en avec cette affaire de la bataille même de Dixmude. Est-ce qu'on peut dire, Benjamin Massieu, que d'une façon générale, ici, a cristallisé ce qu'allait devenir la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire cette guerre de position, cette guerre de tranchées qui se fixe ici en Belgique à Dixmude, autour de Dixmude? Alors oui, c'est vraiment le moment où on va arrêter le front. On va stopper les Allemands sur l'Isère. Alors, vous en parliez tout à l'heure, il y aura le rôle que va jouer l'inondation qui va être ordonnée par le roi des Belges. Et puis, on a déjà, dès le début, dès les premiers combats, on en a aperçu de ce que va être la guerre en général, c'est-à-dire des assauts à découvert. C'est vraiment le plat pays, hein, il n'y a rien pour se protéger, et on se lance contre des mitrailleuses sans aucune protection. On sacrifie les marins un peu pour rien dans les premiers jours. Et petit à petit, on va s'apercevoir, on va s'adapter à cette puissance de feu, et on va s'enterrer et on va rester, le front ne va pas bouger, donc il se stabilise en fin novembre, à la fin de la bataille de Dixmude, et il ne bougera pas jusqu'à la fin de la guerre. Alors les problématiques des assauts et des contre-assauts, du rapprochement progressif des lignes qu'on va vivre ailleurs, sur d'autres fronts de France évidemment, mais c'est bien ici qu'on le voit naître. Hein. Et notamment au départ, je crois que les lignes étaient très espacées, plus de 500 à 600 mètres, et puis progressivement elles se rapprocheront jusqu'à moins de 50 mètres. Là, ouais. Ça veut dire qu'on est quasiment les uns sur les autres. Hein. On a des témoignages de fusiliers marins qui avaient été recueillis par le GOFIC, et les marins disaient qu'ils entendaient les Allemands en face parler entre eux, tellement ils étaient proches. Avec également toute la problématique du positionnement des états-majors et du rôle du haut commandement, qui va alors devenir beaucoup plus problématique dans les années 1915-1916 dans d'autres régions, mais qui déjà est sensible. La personnalité là de l'amiral Renard va jouer un rôle essentiel, je pense. L'amiral Renard qui est un officier de marine, c'est-à-dire qu'il quitte le bâtiment quand il coule. Voilà. Et il est avec ses hommes. Ça ne signifie pas que les officiers généraux de l'armée de terre soient forcément déplanqués, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Enfin, il y a une tradition dans la marine, on est avec au milieu des hommes, c'est important de le dire. Il va dans les tranchées avec eux, il n'y a pas beaucoup en 1914, j'entends bien, de généraux, d'officiers supérieurs qui vont dans les tranchées avec les hommes. Renard, lui, est avec eux à leur côté, ou quand il n'est pas en première ligne, il est très près des combats. Avec des combats d'une violence extrême, notamment à la baïonnette. Est-ce que c'est vrai cette légende des combats à Dixmude à la baïonnette? Ah oui, au corps à corps, au couteau quelquefois. Ouais. Il y a eu dans les combats du cimetière de Dixmude, on a retrouvé des fusils. un fusilier marin notamment et un allemand qui avaient été tués tous les deux par une balle perdue et ils étaient empalés l'un dans l'autre, les doigts du fusilier marin enfoncés dans les joues de l'allemand. Alors votre ouvrage est tout à fait passionnant, est admirablement illustré, je tiens à le dire, hein, sur ces demoiselles aux pompons rouges. On disait que c'était les Allemands qui les avaient appelées comme ça, mais finalement il semblerait bien que ce soit plutôt un sobriquet affectueux de la part des Parisiens plutôt en fait. Hein. Alors apparemment les Parisiens leur auraient donné dans un premier temps le surnom de demoiselles de la marine. Oui. J'ai beaucoup entendu que c'était les Allemands qui auraient fait passer ce surnom à demoiselles aux pompons rouges, mais j'ai pas vraiment de documents qui prouvent que ce sont les Allemands qui en sont l'origine. Alors en me promenant à la bibliothèque du Carré ce matin, j'ai trouvé un autre ouvrage. Cette fois c'est un livre de bande dessinée qui s'appelle Les retrouvailles de Nieuport d'Ivan Petrus aux éditions L'Anneau. Et alors là, il s'agit de la suite, si je puis dire, des opérations. Parce qu'il ne faudrait pas croire qu'une fois Dixmude pris et une fois la guerre stabilisée, nos marins s'en soient tenus là. Ils ont continué à se battre hein, jusqu'à la fin de 1915 déjà. Alors l'unité va être constituée ensuite, va amener des renforts et elle va continuer de combattre du côté de Strindstrat, je ne parle pas oui, bien le fait. On va dire que c'est comme ça. Et Saint-Georges. Et ils vont combattre jusqu'en décembre 1915. Et puis décembre 1915, l'unité va être dissoute parce qu'on a besoin de personnel sur les bâtiments à bord en raison de la guerre sous-marine. On va quand même maintenir un bataillon de fusiliers marins qui, lui, va continuer le combat dans la région jusqu'en 1918. Oui, et certains vont avoir des états de service absolument énormes, vertigineux, il faut le dire. Ils ont tous laissé un très grand souvenir, et je vous assure que les célébrations qui ont eu lieu à Lorient, qui ont lieu à Dunkerque cet après-midi ou demain, je crois, ce soir même, qui ont donc eu lieu, bien sûr, ici même, à Dixmude, en votre présence, Madame le Maire, toutes ces célébrations ne sont pas du tout simplement des marques de respect officielles. Elles sont aussi des marques d'admiration parfaitement vives et parfaitement ferventes. L'ouvrage de Benjamin Massieu, préfacé par le ministre de la Défense, s'appelle « Les demoiselles aux pompons rouges » sur la résistance héroïque des fusiliers marins à Dixmude et c'est aux éditions Pierre de Taillac. Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question d'Arthur. Il souhaite connaître l'origine de l'hélicoptère. Cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question d'Arthur. Il nous l'a envoyé par mail sur europe1.fr. Une question qui tombe à pic, puisque vous vous trouvez à bord d'un porte-hélicoptère. Arthur voudrait connaître l'origine de l'hélicoptère. Oui, nous avions gardé la question d'Arthur sous la main pour pouvoir la poser au bon moment, évidemment, Céline. Alors, vous savez que les Chinois, Léonard de Vinci, avaient déjà eu quelques intuitions dans ce domaine. Mais c'est Paul Cornu, un avionneur français, qui va réaliser le premier vol en hélicoptère. Alors, quand je dis vol, vous allez voir, c'était le 13 novembre 1907, à Coquainvilliers, près de Lisieux. Le jeune homme, il a 26 ans, arrive à faire décoller la machine pendant quelques secondes à 1,50 m du sol. Mais c'est suffisant. Alors que deux mois plus tôt, le célèbre Louis Breguet, était parvenu à un exploit similaire. Seulement, lui avait été obligé de faire maintenir l'appareil par quatre hommes pour favoriser son équilibre, ce qui avait empêché l'homologation de l'invention. À cette époque, le terme d'hélicoptère existait déjà. Et hélicoptère de hélix, la spirale, et pteron, l'aile en grec, bien entendu. Il faut attendre 1923 pour voir apparaître cet élément indispensable à l'engin que nous connaissons aujourd'hui, les fameuses pales articulées qui vont permettre le vol contrôlé. Ça, c'est un ingénieur espagnol qui en aura l'idée et le brevet. Louis Breguet reviendra en 1936 avec un appareil beaucoup plus perfectionné que celui de 1907, le fameux gyroplane qui va réaliser à la fois un record de vitesse, d'altitude, cette fois on monte à 158 mètres et de distance. Il n'empêche qu'il faudra tout de même attendre le lendemain de la Seconde Guerre mondiale et notamment la guerre du Vietnam pour voir l'hélicoptère devenir un engin absolument incontournable. Vous pouvez en embarquer jusqu'à 16 des hélicoptères sur ce bâtiment, commandant ? Oui, tout à fait. On peut en embarquer une vingtaine et en faire décoller, selon la taille, de 6 à 10 simultanément. On voit leur position d'envol et d'atterrissage, d'ailleurs, sur le pont. Hein, c'est oui, ils sont numérotés de 1 à 6 et voilà. C'est quel type d'hélicoptère que vous Alors, utilisez tout type, ça peut le TIR, le NH90, le Caracal, enfin tous les hélicoptères, bien sûr, en service dans l'armée de terre et dans la défense française, mais également les hélicoptères étrangers, notamment les hélicoptères américains qui sont plus lourds. Et là, on est dans leur garage, si je puis dire, qui est vide aujourd'hui. Hein, oui, pour, aujourd'hui pouvoir installer toute l'exposition des commémorations de Dixmude. Oui, tout à fait. On est dans leur garage qui permet de les entretenir. Alors, conserver. On a pu du coup installer des bannières, des mannequins avec les costumes d'époque, des véhicules également, dont un taxi de la Marne, enfin des véhicules de 1914. Il y a toute une exposition à bord du Dixmude. Il y a même des maquettes qui ont été réalisées par Serge Peucher. Et sur les maquettes en question, alors on a toutes sortes de bâtiments de la Marine nationale. On voit les petits hélicoptères évidemment. Qui... Oui, à l'échelle. À l'échelle, évidemment. Ce serait sinon assez choquant. Merci infiniment à tous. Alors, j'ai énormément d'annonces à faire. Je vais essayer de n'oublier rien ni personne. Je vous ai parlé bien sûr de l'ouvrage de Benjamin Massieu, Les Demoiselles au Pompon Rouge aux éditions Pierre de Taillac. Cette très belle bande dessinée, il est rare que nous citions des bandes dessinées à ce micro, mais je le fais parce que là vraiment elle est particulièrement réussie. D'Ivan Petrus, Les Retrouvailles de Nieuport aux éditions L'Anneau. Je voulais citer deux documentaires qui seront diffusés par France 3 ce soir. Toute la soirée, France 3 parle de la guerre de 14. Elles étaient en guerre sur les femmes dans 14-18. Et ensuite, quand la guerre rend fou, à 22h20. Et puis, sachez qu'il y a également sur France 3 les mardis 28 octobre et 4 novembre prochains, à 20h45, une dramatique tirée du magnifique ouvrage de Maurice Genevoix, Ceux de 14. Alors, il n'était pas possible d'adapter l'intégralité du roman de Maurice Genevoix, mais vous verrez que c'est très intelligemment et très bien fait. Ceux de 14 sur France 3, les 28 octobre et 4 novembre prochains. Je tenais à remercier, bien entendu, le capitaine de corvette Laurent Nicolas. C'est lui qui a eu l'idée de cette émission. Lorsque nous étions venus, j'avais eu la chance de participer à une de vos missions au printemps. Et c'est lui qui m'a dit, mais puisqu'on va célébrer Dixmude, pourquoi ne pas le faire à bord ? Oui, tout à fait. C'est lui qui avait l'idée. Il faut lui reconnaître. En tout cas, c'est une très bonne idée. L'idée paraissait peut-être un peu audacieuse. Eh bien, vous voyez, nous l'avons réalisée. Je tenais à remercier également, bien sûr, les équipes techniques d'Europe 1 qui, sous la houlette de David Vigerie, ont fait un très beau travail. Et comme à chaque fois, ils nous ont installé un véritable studio dans ce hangar d'aviation. C'est le terme qu'on emploie, je crois, de ce BPC Dixmude. Je tiens à remercier aussi l'équipage de votre bâtiment, commandant, car nous avons été magnifiquement reçus. Tout le monde est très motivé et a fait preuve de beaucoup de bonne volonté. Je crois qu'on peut dire d'une manière générale que la mémoire des fusiliers marins n'est peut-être pas étrangère à tout ce qui se passe et qu'ils sont en quelque sorte restés dans le cœur des gens. Est-ce qu'on peut dire ça, commandant ? Ils sont restés dans le cœur des gens oui. De la population française. De la population, ah, oui. Sûrement, on espère bien en tout cas. Ils accomplissent encore des missions aujourd'hui, il faut le dire. Alors les fusiliers marins. Très importantes. Oui, les fusiliers marins et les commandos marines. Et les commandos marines. En permanence des missions de protection ou des missions un peu plus offensives, que ce soit dans le cadre des opérations spéciales ou de lutte en haute mer. Et chargés de la protection des ports notamment, bien entendu. Et chargés de la protection des ports et des sites un petit peu stratégiques liés aux sous-marins nucléaires. Eh bien, nos pensées vont à leurs devanciers, ceux de 14.